Amis humains, bonjour. Comme si nous étions déjà libres. Un petit tour au Canada où l'inexténuable Francis Dupuy-Derry multiplie les études acérées sur l'anarchisme à travers les âges et les continents. On vous a déjà ardemment recommandé son histoire minutieuse du mot démocratie et son portrait des Black Blocs, paru l'un et l'autre chez Lux. 1. Le bougre, depuis, n'a pas tiré au cul. Son acquis la rue, et société, fait le point sur les répressions policières s'étant abattues en Europe et en Amérique du Nord sur le mouvement alternatif. Rien que pour les événements du printemps d'érable, on a relevé 4500 arrestations. À noter que ce qui est neuf depuis 2010 au Québec, c'est moins l'extrême sauvagerie des charges de cogne que celle des termes employés dans la presse bourge pour dépeindre les manifestants. Tous des skimbas, soit des sacs à foutre, lit-on dans le Toronto Sun, ou alors des bastards et des violences lues, de violents mollusques. Une leçon à retenir. Le sac à foutre Manuel Valls ou le mollusque violent Copé, ça sonnerait pas mal. Dans l'anarchie expliquée à mon père, puis dans le brûlot collectif Nous sommes ingouvernables, Lux tous les deux, dans lequel il a trempé, Francis Dupuy. Derry balance à son paternel que l'anarchisme n'est pas réservé qu'au lendemain qui chante, qu'on peut expérimenter au présent une certaine vie libertaire utopiste comme l'ont fait des bandes d'insurgés québécois, parmi lesquelles la claque, la convergence des luttes anticapitalistes, la NEFAL, la Fédération des communistes anarchistes du Nord-Est, le groupe Émile Henry porté sur les actions très directes qui deviendra le redoutable collectif La Nuit, sans oublier les anarchos, indigénistes guerroyants aux côtés des peuples autochtones en résistance ou les féministes déchaînés de Némésie. Toutes ces fortes têtes ont eu en commun d'avoir envoyé au balançoire dans leur groupe et dans leur conspiration toute forme de pouvoir hiérarchisé et tout esprit de discipline militant, et d'avoir opéré comme s'ils étaient déjà libres. Comme si nous étions déjà libres, c'est le titre d'un formidable essai de l'anthropologue déviant David Graeber, édité également par Lux, qui fut à l'origine du mouvement Occupy Wall Street. Pour notre crack, le meilleur moyen d'en finir avec le mafia capitalisme est de jeter les bases d'une démocratie réellement directe et attrayante où chacun serait libre de se consacrer entièrement à une infinie variété d'activités, et de tenter le coup immédiatement. Réapproprions-nous le communisme, s'écrie Graeber, main dans la main avec l'ensemble des indignados de la planète. Comment ? En élargissant les zones de liberté déjà présentes dans notre monde jusqu'à ce que la liberté serve de principe d'organisation absolue et que le nouveau socle de la collectivité, ce soit le respect des différences les plus irréconciliables. Et puis aussi, au diable les demi-démesures, l'utilisation du potentiel inexploré de la loterie. Article de C, Q, F, D. Ce qu'il faut détruire. À bientôt, grosse bise numérique.